Mais ça veut dire quoi normal? C'est quand même pas de ma faute si je bois pas que sur moi. C'est moi l'idiot du village. Je cope toutes les mouches que je trouve pour m'empêcher de faire le con. On file des cachetons. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi grand. Je voulais être président. Je suis devenu le roi, c'est moi le roi des glands. Je suis pourtant pas méchant, mais y'en a qui me lancent des pierres. Pour arrêter ça, j'ai signé chez les keufs. Maintenant, on m'embête plus, c'est moi qui emmerde les autres. Sauf que dorénavant, je suis payé pour le faire. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi gland. Je voulais être président. Je suis devenu le roi, c'est moi le roi des glands. Depuis, j'ai un beau képi et un joli sifflet. On me donne des sous pour faire du bruit, et croyez-moi, je m'en prive pas. Mais ce que je préfère, c'est fouiller les meufs. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi gland. Je voulais être président. Je suis devenu le roi, c'est moi le roi des glands. Le soir, quand on est bourré et qu'on sait pas quoi faire, on s'amuse à faire passer des alcotests. Ça passe le temps et c'est bon pour l'avancement. Et avec un peu de chance, dans 20 ans, je serai adjudant. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi gland. Je voulais être président. Je suis devenu le roi, c'est moi le roi des glands. Call me Golio Premier.